pour le fun et le reste, passe le temps. 10 euros de CD pour du FVDD, c'est cher payé pour ces enfoirés. Si vous saviez ce que vous avez acheté, vous auriez le fait de acheter du allié. On va foutre le bordel dans ta chaîne, ici. Fais cracher les watts, papy. C'est hardcore comme trip. Bouge ton boule en rythme. Percé par un CDC, vissé sur mon PC, je dévissé pour aller au WC, c'est rocker, mon convaincu, claquer les accords pour du cul. Je fais de la basse à l'arrache depuis que je me suis rasé la moustache, pour toutes les bouclettes et j'aurai toutes les boulettes. Je bâtard de batteur, je pense à ta passant à l'heure, plutôt punk que pop, plutôt pastis que pastis.